et ils lui disent « Amie tière, faites en lui messe belle tière, confortez-vous, ne pleurez plus, et vous trayez vers moi Jésus, sostez les larmes de vos cieux. Deus, celui plaist, vous donnera miels de même que vous ne m'avez dit. Laisse-moi vous trayez en cest lit, qu'il est assez laisse à eux nous. Oui, messe, ne me laisserez-vous.